En Corée, les premières pommes de l'année du verger complexe Taedonggang sont ravitaillées au citadin de Pyongyang. Les camions ont distribué le 13 les fruits aux magasins, crèches, jardins d'enfants et orphelinats de la ville.